Vous vous rendez à un casting, l'annonce était un peu douteuse. Il s'agit de jouer dans un film X, le camionneur et les autostoppeuses. Vous voulez pénétrer le milieu, allez en plage 32. Vous ne voulez pas vous abaisser à cela, allez en plage 33.